C'est Gigi, ravie de vous retrouver pour 60 minutes dans Écologie, seule émission biodégradable et renouvelable qui accueille des acteurs locaux du développement durable, de l'écologie environnementale et personnelle parce que tout est lié. Et aujourd'hui, à la technique, j'ai le plaisir de re-accueillir Laura qui revient, c'est le grand retour. Salut Laura. Salut Gigi, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous avons comme invité pour la deuxième émission de l'année dans Écologie, Anthony et Mike qui sont venus nous parler de monnaie locale, car vous ne le savez peut-être pas, mais le dimanche 17 janvier à la MJC Bourgard a eu lieu un grand forum ouvert où des citoyens, une centaine de citoyens sont venus discuter, échanger, proposer des idées autour de la création d'une monnaie locale à Nancy. Bonjour Anthony. Bonjour Gigi. Bonjour Mike. Bonjour Gigi. Donc vous étiez, vous, des citoyens qui avaient participé donc à ce forum. Alors d'abord, ce qu'il faudrait peut-être expliquer à nos auditeurs, c'est qu'est-ce que c'est qu'une monnaie locale et pourquoi, enfin déjà, qu'est-ce que c'est? Alors qu'est-ce qui s'y colle? Ils font des grands signes là. Apparemment, c'est Anthony. Alors qu'est-ce qu'est une monnaie locale? Une monnaie locale, c'est un outil pour relocaliser son économie, en fait. Et ça permet de sortir l'argent des marchés financiers, puisque la monnaie locale est de l'argent de singe, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il n'a une valeur que sur un lieu donné, qui là est le Grand Nancy. Donc ça permet aux gens de choisir ce qu'ils vont acheter, que ce soit plus éthique, plus local. Voilà, c'est à ça que ça sert, une monnaie locale. D'accord, donc une façon de favoriser ou de faire découvrir les producteurs locaux. C'est ça. Mais pas que. Pas que, éviter la spéculation, éviter l'évasion fiscale. Oui, là, on ne peut pas sortir. Si on sort de Nancy ou de l'agglomération, parce que ça n'a pas été encore décidé, ça vaut plus rien, quoi, en fait. C'est ça. OK. Bon, merci. Et donc, vous avez été... qu'est-ce qui vous a amené à participer à ce forum? En fait, y avait un groupe de travail qui s'était formé déjà pour réfléchir à une monnaie locale sur Nancy suite à Alternatiba. D'accord. En fait, dans le pôle économie d'Alternatiba, il y avait des gens qui parlaient de monnaie locale, pas forcément d'ancienne, mais sur qu'est-ce qu'une monnaie locale, à quoi ça sert. Et en fait, avec plusieurs participants à Alternatiba, on s'est dit, tiens, et si on créait une monnaie locale à Nancy? Donc on a créé une mailing list, on a invité les gens à s'inscrire. Et au mois de septembre de l'année dernière, en fait, on a lancé un groupe de travail. Avec une première réunion pour réfléchir à une monnaie locale sur Nancy. Ok, vous étiez combien à cette réunion déjà? La première, on devait être une vingtaine, je crois. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de questions, qu'il y avait plein d'idées convergentes, mais aussi divergentes. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes, si tu te souviens? Est-ce qu'on travaille avec les collectivités ou non? Est-ce que la monnaie locale a juste... une notion de monnaie, ou est-ce que aussi elle est là pour essayer de lutter contre la misère, contre la pauvreté? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Enfin, il y avait plein de sujets, ça partait dans tous les sens. Ça pouvait aller du nom, la charte graphique, l'éthique, enfin c'était très très vaste. Il y a eu 30 ateliers, je crois, durant ce forum, à peu près. Enfin là, il est en train de parler, il faudrait suivre un petit peu Mike, excuse-moi, mais il est en train de parler de la réunion qui était à l'origine du forum. Moi, je suis déjà sur le forum. Ah oui, là, Mike, il est parti à fond. On en est là à la genèse du forum. Je comprends qu'il ait envie de parler du forum parce que c'est une belle expérience. Bah oui, forcément, mais alors, garde encore un petit peu ton énergie, Mike, s'il te plaît. Trop tard. Toi, est-ce que tu faisais partie des 20 personnes qui ont... Peut-être pas de la toute première. Pas de la toute première, ok. Ok, oui, donc il y a des gens qui se sont greffés après, voilà, c'est un groupe ouvert finalement. Les disponibilités de chacun. Bah oui. C'est ça, on n'est pas forcément toujours dispo quand on a envie d'être dispo, quoi. Donc vous êtes réunis tous les mois ou combien, à quel rythme? En fait, tous les mois, ouais. Donc on avait une première réunion en septembre, d'où on est sorti un compte-rendu assez intéressant qui nous montrait qu'il y avait du boulot, beaucoup de boulot et puis beaucoup de travail sur qu'est-ce qu'on attend de cette monnaie locale, en fait. Donc deuxième réunion, au mois d'octobre. Mm-hmm. Et en fait, il s'est avéré qu'on partait encore dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à se stabiliser, se prioriser sur par quoi il fallait commencer, est-ce qu'on était d'accord sur tout, comment on se mettre d'accord sur tout. Et c'était encore un brainstorming où il y avait encore plein d'idées qui émergeaient. Et du coup, quelqu'un... à la réunion, a proposé de faire un forum ouvert pour essayer d'éclaircir tout ça et pour savoir exactement ce qu'attendaient les Nancéens d'une monnaie locale. Quoi. D'accord. Alors voilà. On va peut-être éclairer ce que c'est qu'un forum ouvert, du coup. Donc là, apparemment, tout le monde peut participer au forum ouvert. Ouais. Ça se déroule comment, un forum ouvert? C'est... Ben voilà, Mike alors va en c'est parler. Vraiment les, que... C'est vraiment les citoyens de Nancy qui ont participé au forum ouvert. C'est eux qui ont mis en place les ateliers dès le matin. Oui, donc comment ça se passe? On réunit un certain nombre de personnes. Déjà là, c'était une centaine de personnes qui étaient présentes. Les gens sont c'était inscrits. Une centaine c'est de personnes avec un sujet bien précis sur le forum. Donc, qu'est-ce qu'une monnaie locale? Pourquoi une monnaie locale? Et après, d'après ce sujet, les gens créent leurs ateliers sur la journée. Et débattent, en fait, donnent leurs idées. Enfin, c'est vraiment le brainstorming, c'était le mot qui va bien. En fait. Donc, il y a plein de petits ateliers qui traitent toutes les questions qui ont émergé, c'est et ça? À la fin de la journée, on fait vraiment le point. En une journée, le point est fait, quoi, sur les ateliers. Il y a un compte-rendu de fait sur chaque atelier à la fin de la journée. Donc, c'est super riche. Et si je veux participer à deux ou trois ateliers, alors, comment c'est possible? Comment ça se passe? Eh bien, là, en l'occurrence, sur ce forum ouvert, il y avait... Il y avait un grand tableau d'affichage avec les horaires de chaque atelier. Après, tu pouvais participer à un seul atelier, les faire tous. Il y a 10 minutes à un, 10 minutes à l'autre, ou pas à aucun. C'est vraiment libre, en fait. D'accord. C'est le but aussi. Quoi. C'est que les gens puissent faire ce qu'ils veulent, qu'ils ne sont pas enfermés dans un atelier, ou qu'ils puissent participer à tous, ou à aucun, ou à un peu. Et du coup, il y a eu combien d'ateliers en tout sur cette journée c'est qui ont ça, été proposés? Une trentaine. Donc sur 100 personnes, il y a 30 idées qui ont émergé et donc des groupes de personnes qui se sont constituées pour et qui ont tourné sur ces ateliers. C'est ça. Et donc avec un compte rendu qui a été fait. Avec des beaux comptes rendus pour chaque atelier. Ouais. On voit que ça a fusé dans tous les sens. Ouais, c'était bien, vraiment bien. Excitant. Et du coup, vous avez participé à quels ateliers, vous, pour donner un peu de... Moi, j'ai participé sur un atelier de la charte, en fait. Sur l'atelier de la charte? Oui. L'organisation, pas mal. Hein, en fait, aussi, l'organisation. Ouais. L'organisation, c'était par rapport à quoi? Comment... Pour que tout le monde soit accueilli comme il faut. Et puis que d'accord, au niveau du bien. Forum, tu veux dire? Ouais, au niveau du forum. Ok. Ouais. Eh bien, on va déjà faire une première pause musicale. Avec la monnaie de Neg Marron. Yeah. Une fois de plus, c'est Neg Marron qui vient vous parler. Non, dis-moi qui a dit que l'argent ne faisait pas le bonheur. Dis-moi qui a dit que l'on pouvait vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais laisse-moi rire. Beaucoup de gens osent dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Que de l'amour et de l'eau fraîche suffit pour égayer leur cœur. À ces gens-là, je leur réponds de se réveiller car il est l'heure. Tout le monde sait que sans argent, tu subis le pire des malheurs. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Nous vivons dans une société où l'argent est roi. Et dans ce pays, si t'as pas caillé, c'est comme si tu n'existais pas. Voilà pourquoi certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour obtenir quelques bouts de feuilles que l'on appelle Jean A. Certaines donnent leurs fesses pour avoir quelques pièces. D'autres font la mendicité pendant plusieurs heures d'affilée pour qu'à la fin de la journée, ils puissent acheter de quoi manger. D'autres préfèrent aller pétard ou aller faire des tâches brassées. Soit ça, ou soit devenir clochard. C'est soit ça, ou soit devenir clochard. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Benji, Benji, prends le mic. Madame, non, je ne viens pas gaulerie seulement DJ. Être à lui parler de ce fléau qu'on appelle la monnaie, cette chose pourrie. Les esprits, puis petit à petit, voilà que la déprime sévit sans répit. Mais dit, pas de panique, même si la situation est critique. Pas de madame, mathématiques, si t'as pas de patrick, tout s'explique. L'argent a pris le monopole dans la société. Plus personne ne peut l'arrêter, plus personne ne peut le contrôler. Plus moyen de survivre, si tu n'as plus de fric, ta vie est en jeu, tu es pris de panique. En effet, c'est la panique, c'est dans ton porte-monnaie. Tu n'as plus de fric, tu ne peux plus satisfaire tes envies. Pour toi, la vie est finie. Tire-toi une balle dans le crâne et arrache-toi au paradis. Wouille, arrache-toi au paradis. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. L'argent est partout, à tous les coins de rue, dans tous les esprits, mais dans les poches, y'a rien. De crise monétaire de nos jours par les politiciens. Certains sont corrompus, d'autres deal avec le malin. L'argent se fait si rare que dans le ghetto, des gens meurent de faim. La jeunesse est marginalisée pour s'en procurer tout tes biens. Donc au fond du business pour subvenir à leurs besoins, faut pas leur en vouloir, parce que si t'as pas de caillasse, t'es en chien. Tout le monde sait que sans argent, tu n'es rien. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Mini, madame, mon dieu, madame, money dans ta main. Ne fais pas de mal, mais ça, madame, sort pas en volant et ni en tuant. À partir de ce moment, seulement tu es fier de ton argent. Mais quand sur tes billets, reflète la couleur du sang. Toi, tu n'es pas intelligent, toi, tu n'as pas de sentiment. Mais fais preuve de réflexion et change ton comportement. Oui, fais comme les nègres marrons qui gagnent leur vie intelligemment. Nous, on ne charge pas pour l'argent, mais de nos jours, rien ne se fait gratuitement. Donc, si tu veux nous écouter, paye cash et content. Car dans ce pays, si t'as pas de caillasse, tu es en chien. Si t'es pas un escroc, t'es pas businessman, tu es en chien. Si t'es pas un lascar, tu es en chien. Si t'es pas net marron, tu es en chien. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Vous êtes toujours sur Fadjet dans Écologie avec Laura à la technique, Anthony et Mike qui sont venus nous parler de monnaie locale et on a aussi, j'ai oublié de vous présenter dans le studio, on a Jean qui est venu faire un stage et qui aura peut-être des questions à poser par rapport à ce forum ou par rapport à la monnaie locale. Anthony, tu voulais évoquer le forum ouvert. Il y a quelque chose que tu avais envie de dire pendant qu'on écoutait la musique là. En fait, je tenais à préciser qu'un forum ouvert, en fait, c'est un système qui n'est pas trop utilisé encore à l'heure actuelle. En fait, quand Mike disait que c'est complètement libre, c'est vrai que c'est complètement libre, en fait. Mm-hmm. On met pas de cadre aux gens du tout, ce qui les amène à réfléchir plus facilement et à s'investir plus facilement sur des ateliers et à proposer eux-mêmes des ateliers. En fait, c'est un très bel outil d'intelligence collective et de coopération. Mmh. C'était une très belle journée parce que ça a vraiment sorti des points importants pour la monnaie locale. Et nous qui faisions partie de l'organisation, donc moi c'est comme Mike, hein, je faisais partie de l'organisation, donc je n'ai pas eu trop le temps de participer à des ateliers, même s'il y en avait beaucoup qui m'intéressaient réellement. Mais je papillonnais plutôt d'atelier en atelier pour voir comment se passaient les ateliers, si tout le monde avait du temps de parole, si tout le monde se respectait. Et j'ai un peu halluciné parce que c'était vraiment tout en bienveillance. En fait, il y avait des gens qui étaient là, qui échangeaient, qui s'écoutaient, qui priorisaient. Donc, c'était vraiment très intéressant à suivre. Mmh. Donc, on peut penser que les gens qui s'intéressent à la monnaie locale ont quand même une sensibilité quand même particulière qui permet... qui a permis à ce forum ouvert d'être aussi constructif. Je pense que quelqu'un qui s'intéresse à la monnaie locale a quelque chose d'humaniste en lui un petit peu et de social, qui s'intéresse à son territoire et qu'il a envie de relocaliser son économie pour refaire vivre son territoire, je pense. Mmh. Dans la période de crise qu'on essaie de nous faire croire qu'on est, je pense que c'est important. Mmh. Voilà. Donc, en fait, pour le forum ouvert, il y a une facilitatrice qui donne les indications, en fait, qui dirige les personnes pour le côté un peu pratique. C'est ça. Il y avait une facilitatrice qui, là, était en l'occurrence Marion Cremona. Mm-hmm. Et la facilitatrice, elle permet juste de mettre le cadre de départ. Mm-hmm. En fait, après, elle ne s'occupe plus trop des ateliers, on ne s'occupe plus trop des brainstorming. Nous, on est juste là pour expliquer aux gens comment fonctionne le forum ouvert et leur expliquer qu'on est prisonnier de rien. C'est-à-dire que, comme disait Mike tout à l'heure, on peut passer à un atelier à un autre sans problème, puisque vous n'êtes pas cloisonné à être obligé de rester dans un atelier. Quoi. S'il y a plusieurs ateliers sur le même créneau horaire qui vous intéresse, vous pouvez aller un pendant 10 minutes. Une fois que vous avez l'impression d'avoir participé ou entendu ce que vous aviez envie d'entendre, vous pouvez repasser à un autre atelier sans problème. Quoi. Et c'est ce qu'on dit aussi, c'est que la pause café, C'est pour ça qu'il y avait toujours du café à disposition. Alors, pause café ou autre chose, hein, s'il y en a qui voulaient boire un jus de fruits, de l'eau ou voilà. une infusion, c'était possible aussi. C'est hein. ça. Mais ce sont aussi des endroits d'échange et de réflexion. Et que si à un moment donné, à une pause café ou à une pause club, vous aviez l'impression d'aborder un sujet intéressant, vous pouviez le ramener et on pouvait en faire un atelier. D'accord. Voilà. Donc, il y a même des ateliers qui pouvaient être mis en place pendant le courant de la journée. C'était pas tout seulement le matin, on voit ce qu'on va décider, on voit les questions qui émergent. S'il y avait des choses qui arrivaient en cours de route, c'était possible de refaire un atelier. Tout à fait. Donc ça demande une organisation où tout est communiqué en temps réel, je suppose, parce que s'il y a un nouvel atelier qui arrive, il faut qu'il y ait un endroit où on puisse poser ce nouvel atelier, où les gens puissent venir. Tout à fait. Donc pour les ateliers, il y avait j'ai un trou. Grand journal. Le grand journal, c'était pour les retours, pour les résumés, non, il me semble. C'est la place du marché, ça y est, j'ai eu un cœur de lucidité. C'était la place du marché où étaient affichés tous les ateliers. Ok. Et les 32 ateliers étaient affichés dessus. Et si en cours de journée, vous aviez envie de rajouter un atelier sur un endroit précis, à une horaire précise, s'il y avait de la place, vous pouviez. Voilà, c'est ce qu'on appelle le forum ouvert, c'est que c'est vraiment ouvert, quoi. Il n'y a pas de structure vraiment bloquante. On demandait quand même à chaque citoyen qui venait participer d'être présent sur la journée, puisque le matin on expliquait la démarche du forum. Oui, on mettait en place les ateliers. Ouais, et puis... C'est vrai que si on arrive en cours de route, du coup c'était un peu plus compliqué à comprendre le cheminement du forum. Oui, c'est sûr. Bon, néanmoins, il y avait des personnes qui expliquaient là, qui étaient à disposition aussi. Il y avait des personnes qui faisaient... Non, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que pour avoir vu plein de gens qui voulaient y participer, quand on leur expliquait que c'était la journée complète, souvent ils disaient « Ah oui, mais non, la journée complète, j'aurais pas le temps, puis j'ai d'autres choses à faire, patati, patata. » Et en fait, il y en a plein qui se sont laissés prendre au jeu et qui sont restés toute la journée alors qu'ils ne devaient pas au départ. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été pris dans le flot de cette ébullition. De cette énergie, ouais. Voilà, et ils sont restés jusqu'à la fin et ils ont trouvé ça super. Ah oui, ils n'ont pas regretté du coup. Non. Et vous avez eu des échos au niveau des médias, tout ça, par rapport au... Ouais. Un soutien On va dire qu'il y a eu un article dans l'Est républicain dès le lendemain, ouais. Je pense, quoi. Dans Hebdo 54, dans la semaine, il me semble, aussi. Mm-hmm. Et dans leur actu. Dans leur actu, sur les radios, en fait, il y a eu qui Il y a eu RCF, RCN, France Bleu. Il y a même eu France 3 au niveau télévisé, régional. Ouais, qui ont fait un reportage pour le 19-20 local du dimanche soir. D'accord. Très beau reportage, je tiens à le signaler. Ouais. Et donc, vous avez eu affaire à ces personnes? Elles étaient plutôt... elles savaient ce que c'était que la monnaie locale? Ou elles en avaient déjà entendu parler? Ou plutôt curieuses et... Qu'est-ce que c'est, tiens Il y en avait qui avaient l'air de connaître le sujet et qui étaient très intéressés. Mm-hmm. Et il y en avait d'autres qui ne le connaissaient pas du tout et qui demandaient plus à bonifier qu'est-ce que c'est une monnaie locale. Quoi. Mm. Ok. Eh bien, merci beaucoup. On va refaire une pause musicale donc avec un morceau que vous nous avez amené et choisi. Donc, L'argent pourrit les gens de NTM. Vous êtes toujours dans Écologie sur Fadjet. Personne ne peut comprendre, ma vie n'est pas à fin. Et je le clame haut et fort, il ne faut pas se méprendre. Asphyxiant les sentiments, l'argent pourrit les gens. Précisément en ce moment, tout s'achète, tout se vend. Même les gouvernements, prêts à baisser leur froc pour une question d'argent. Avec une veste réversible suivant le temps. Apparemment l'armement passe largement avant la condition de vie de chacun. Le monde est plein de bombes qui creuseront nos tombes. Maintenant tu sais à quoi sert le fric, qui à lui seul pourrait stopper la famine en Afrique. L'argent pourrit les gens. J'en ai le sentiment. J'en ai le sentiment. faire avancer les choses, défendre notre cause pour une métamorphose. Voilà ce qui s'impose, loin de tous ces requins. Je poursuis mon chemin, loin de là tu m'en pas si évolue. Voilà ma vraie fortune. Sans grand moyen, oui, je suis né, pourtant prêt à affronter cette injuste réalité. Pré-réglé par le poney, car sur ma face il est écrit que je suis à l'écart de la grande répartition monétaire réservée depuis plus d'un millénaire, riche et pauvre. Oui, depuis trop longtemps. Les valeurs n'ont pas changé, quel que soit le siècle, quelle que soit leur maison, peur car la monnaie a une clarté qui aveugle mes frères, dînant la mort au coin des rues, se charcutant pour un blouson. Et mec, de cette façon le pognon ne fera pas l'ampleur de ta condition. L'argent sourit les gens, j'en ai le sentiment. Je ne me prétends pas du tout différent, j'aime l'argent, l'adopter, le maîtriser, le contrôler avec doigté. Il doit apporter une jouissance interne et intense, quelqu'un ait été l'origine de la semence. Oui, j'ai ce défaut aussi, mais jamais je n'ai trahi la confiance de mes pères pour une sale affaire de fric. Situation courante et dramatique, la corruption est une arme à ne pas négliger. Si tu veux réussir en politique, sache que l'arnaque est une technique, une tactique illicite qui profite toujours aux mêmes, aux piliers du système. Mais que fait la justice? L'argent les rend complices. Tout le temps l'argent pour les gens. J'en ai le sentiment, j'en ai le sentiment. L'argent pour les gens. Tout le temps. J'en ai le sentiment, j'en ai le sentiment. La convoitise perpétuelle des biens de mon prochain ne fait qu'enflammer constamment mon amour pour l'argent. Et pourtant, étant conscient que cette valeur est matérielle, rien ne m'arrête pour l'acquérir. Donc je me fais prédateur pour une poignée de papier qui, pour un jour ou plus, me fera croire que l'argent fait le bonheur. Oui, je me l'ai déréglé par le système qui me pousse à l'extrême. Je suis en bas, mais bien plus loin, comparable par leur niveau. Des gens tournent le dos à la famine de leurs égaux, dédaignant leur père, car plus ils coulent sous l'argent, moins le monde devient réel. Laisse le bonheur. Non, je ne crois pas que le pognon soit une rançon du bonheur. L'argent pourrit les gens. J'en ai le sentiment. J'en ai le sentiment. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, vous êtes toujours dans Écologie J sur Radio Fadjet et on vient d'écouter donc l'argent pourrit les gens de NTM. Donc, c'était un choix de Mike et d'Anthony qui sont venus nous parler de monnaie locale à l'occasion donc du forum ouvert qui a eu lieu le 17 janvier dernier. À Nancy, à Borgard, plus exactement, dans les MJC de Borgard. Alors, il y a Jean qui est stagiaire à Fadjet qui a une question que je vous soumets. Alors, pourquoi on en est arrivé au point de créer une monnaie locale, s'interroge-t-il? C'est ce que disait Anthony au départ de l'émission, en fait. C'est, si on parle de crise économique, de poids de la finance, de spéculation, d'évasion fiscale, on se dit qu'en faisant une monnaie locale, on pourra relocaliser l'économie, éviter tout ça. Et on parle aussi de monnaie solidaire, équitable. Et c'est important à nos yeux et aux yeux des citoyens nancéens, je pense. Équitable, donc c'est juste, une monnaie juste en fait. Une monnaie juste en fait. Et au final, on parle de monnaie, mais on pourrait parler de troc en fait. Hein. Mm-hmm. Enfin, je pense, c'est mon avis. Ok. Est-ce que Jean est satisfait de la réponse? Ça va. Ok. Mais du coup, la monnaie, cette monnaie locale, elle repose bien sur... c'est moi qui vais poser les questions, parce qu'on s'était dit dans l'émission que Laura avait eu pas mal de... Hein, Laura, t'as eu pas mal de retours, toi, de personnes qui étaient un peu sceptiques par rapport à ça. Donc c'est elle qui va faire l'avocat du diable. Et du coup, moi, j'avais déjà quelque chose qui est un peu interrogeant par rapport à ça, parce que la monnaie locale, elle est bien fondée sur la monnaie nationale, en fait, sur l'euro. Donc même si elle est indépendante, elle dépend quand même un peu des marchés financiers. Alors, moi, je comprends rien. C'est pas fait, ça. On n'a pas décidé. Voilà, parce qu'il y ça n'a pas été décidé encore. On en est vraiment au début. Donc, monnaie fondante. Qui perd de la valeur si on fait des bas de laine, par exemple. Voilà, donc c'est de la monnaie qui ne se thésaurise pas, c'est ça. On ne sait pas si on... Faut que ça circule. Il n'y a rien de décidé. Oui, d'accord, mais ça peut être une option, en fait, c'est ça. C'est ça. Le but, ce n'est pas de faire des bas de laine, quoi. C'est vraiment que la monnaie circule. Que ça soit une monnaie vivante, finalement. Une monnaie vivante. Mais c'est surtout qu'elle ne soit pas thésaurisable pour qu'on ne retrouve pas les problèmes qu'on retrouve à l'heure actuelle avec l'euro, quoi, avec des gens qui prennent l'argent, qui le mettent en banque, qui le gardent, ils ne circulent pas. Et du coup, ça crée les écarts entre les riches et les pauvres comme on peut avoir à l'heure actuelle. Quoi. C'est-à-dire que les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. Et on n'a pas de solution à ça, sauf si on crée un argent non thésaurisable, fondant, qui fera que personne ne pourra mettre de l'argent de côté, quoi. Donc ça sera pas intéressant. Ou alors, voilà, ils pourront en mettre, mais à chaque temps, hein, on ne sait pas encore les Comme temps, date, ouais. des dates, ils ça perdront, perdra de sa valeur. Ça perdra de sa valeur, ouais, tout à fait. Ok, oh, intéressant, plein de choses. Hein. Donc Laura. Oui, donc du coup, cette réponse, ça répond en partie aux gens, enfin moi, autour de moi, des personnes qui ont dit « Pourquoi se lancer dans ce projet alors qu'on a un système qui fonctionne ?» C'est la réaction de certaines personnes qui ne voient pas pourquoi faire une monnaie locale alors que l'argent existe, l'euro existe, et que pour eux, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne, ça dépend ce qu'on entend par fonctionner. Voilà. Si on considère que le marché boursier, ça fonctionne, que spéculer sur de la nourriture, c'est quelque chose qui fonctionne, que des gens qui délocalisent pour s'en mettre encore plus dans les poches, ça fonctionne. On n'a pas tous la même notion de ce qui fonctionne dans une monnaie, quoi, en fait. Donc, il faut aller plus loin que son propre porte-monnaie et son compte bancaire en disant bah, « quand je sors de chez moi, je peux acheter quelque chose ». Ça va plus loin que ça. Ah oui, c'est parce qu'en utilisant une monnaie locale, c'est vraiment un acte citoyen, pour le coup, solidaire et citoyen. C'est un acte politique, c'est comme voter, en fait. Ça n'a rien à voir avec utiliser, enlever son billet de 20 euros dans un guichet, quoi. C'est qu'en utilisant la monnaie locale, je fais circuler la monnaie, je fais travailler les petits producteurs, souvent. Les petits producteurs. C'est pour ça qu'il y a une charte qui n'est pas encore en place, puisqu'on en est au début, mais qui doit être instaurée. Puisque la charte permet de mettre des règles d'utilisation de la monnaie, que ce soit aussi bien pour le consommateur que pour le distributeur, que pour le professionnel. C'est-à-dire qu'il doit remplir un certain nombre de points, que là, nous n'avons pas encore, mais qui permet d'avoir une visibilité, une clarté de l'utilisation de cette monnaie. Oui, alors quelqu'un qui ne vend pas des produits locaux, ça peut être aussi bien sur sa façon de trier ses déchets ou socialement, voilà, comment il se comporte. Ouais, ça peut être. Donc la charte, c'est... Oui, c'est pas oui, d'accord. Ouais. Par exemple, si c'est s'il propose un service... Voilà. Ça sera sur la façon dont il investit ou pas, ou sur la façon dont il... Oui, effectivement. Combien de fois il prend le bus ou la voiture. Oui, non, mais par exemple, par alors, puisqu'on parle des services... Mais pourrait... ça va aller loin, il y a du boulot. On pourrait, quoi, appeler, on pourrait parler des gens qui font par exemple les ménages chez les personnes âgées. C'est un service, c'est sûr qu'ils ne vont pas avoir à acheter de produits trop locaux, mais par contre, ils peuvent se dire qu'ils pourraient acheter des produits écologiques pour faire le ménage. Ça pourrait faire partie de la charte, par exemple. Ils pourraient faire leur tri correctement. Voilà. Et là, ils pourraient rentrer dans l'association ou toute autre forme selon que prendra. Selon la forme que ça aura l'organisation, en fait. C'est ça. Qui n'est pas encore décidée, puisqu'on en est tout au début du projet. Pardon ? Pourquoi pas s'engager de la part d'un commerçant, d'un artisan ou de quelqu'un qui travaille à la personne, s'engager à être meilleur et à respecter de plus en plus la charte qui va être mise en place. Quoi. Pas fermer les portes à tout le monde. Oui, je reviens d'ailleurs sur les autres réflexions qui m'ont été faites. Il y a quelqu'un qui, en entendant monnaie, il a entendu monnaie, mais petite monnaie, et qui m'a dit non, mais si je m'embête déjà à pas en avoir dans mon porte-monnaie, c'est pas pour en rajouter d'autres et d'une autre monnaie, ça va être invivable. Donc j'ai dit mais peut-être que on dit monnaie, mais ce sera peut-être sous forme peut-être d'une, ça peut être sous forme d'une carte ou d'un bon, ou que ce soit dématérialisé ou pas. Je pense que c'est des choses que vous avez pensées. Ce sera pas forcément sous forme de jetons ou de pièces qui vont remplir un portefeuille. Alors, plus régulièrement, la monnaie locale est sous forme de billets, et uniquement de billets, il n'y a pas de pièces, donc vous pouvez rassurer votre ami, son portefeuille ne va pas trop s'alourdir du poids des pièces. Mais... S'il ne veut pas de monnaie, il laisse en pourboire. Et il y a un atelier qui a été lancé sur le forum, quelqu'un qui a demandé la monnaie locale peut-elle être électronique ? Donc c'est un sujet qui a intéressé des gens, à savoir si on pouvait rendre électronique cette monnaie locale, donc à fonctionner par un système de cartes et tout ça. Après, bon, voilà, c'est toujours en réflexion. C'est une des questions qui a émergé. Voilà. Par des jeunes, parce que c'était intergénérationnel en plus, c'était ce qui avait été très intéressant. Bah, j'espère bien. Et donc, c'était des jeunes étudiants qui avaient proposé ce projet, qui avaient monté un atelier sur ce sujet. Très intéressant. Bah oui, forcément, toutes les idées sont bonnes. Bon, c'est peut-être pas la priorité, hein. Non, c'est pas la priorité. Et je pense que créer une monnaie électronique, donc un système de paiement par carte, crée des frais. Et donc, comme on ne sait pas encore où on en est comment au niveau... Comment ça va se passer. Mais bon, donc du coup, ça, vous le mettez de côté et vous le gardez ça. Au chaud pour plus mais tard. Mais toutes les en idées fait. Sont retenues du forum. Et donc, les idées, on en reparlera peut-être tout à l'heure quand on abordera le futur. Alors, on va refaire une pause musicale. Donc, eh ben, ça va être Haut les cœurs de Fauve. Vous êtes toujours sur Radio Fadjet dans Écologie. Mais toutes les autres non plus, tu vas par là. Parce qu'après tout, il y en a bien qui s'endorment dans leur baignoire ou avec une clope allumée. C'est sûr que personne peut savoir de quoi demain sera fait. Il y a tellement d'histoires. Tiens, rien que la fameuse légende urbaine du gars qui sort s'acheter des clopes et qui se prend une caisse en bas de chez lui parce qu'il regarde son téléphone. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle les urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Je te connais comme si je t'avais fait, et je sais bien qu'en ce moment ça marche pas fort. Tu te réveilles tous les matins et tu t'endors chaque soir, en redoutant les sales nouvelles et les coups de pute potentiels de la vie. Tu m'imagines déjà parti en fumée, fracassé, la nuque pliée à cause d'un montant de portière de voiture. Mais ça peut pas marcher comme ça. De toute façon, je compte pas me laisser faire aussi facilement, je te rassure. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'un jour je finirai au 15-20 à cause d'un retour de flamme d'enfoiré. Ou que toi tu claqueras d'un AVC à 40 ans sans même avoir pris le temps de me dire au revoir correctement. Tu vois, moi aussi j'ai peur. J'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble tous les deux, de s'être trouvés. C'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, avant qu'on se sépare. Avant qu'on se sépare. Faut pas attendre, faut pas attendre qu'il soit trop tard pour dire qu'on tient aux autres. Qu'on a besoin d'eux, qu'on plongerait devant les balles rien que pour eux. Qu'on sera toujours là. Faut se dire la vérité, faut oser s'avouer des choses importantes. Faut se dire les mots qui font barrage, qui donnent du courage quand y a du blizzard. Et toi qui nous vois déjà vieux, avec des machins qui nous sortent de partout, des tuyaux, des aiguilles. Tu nous imagines en train de bouffer nos gencives. Nos jambes nous portent plus, on perd la tête et on signe des paplards qu'on comprend pas. Mais moi aussi j'ai l'impression d'avoir grandi trop tard, d'avoir raté trop de choses déjà. Esther Comard, la sortie du collège Saint-Exupéry, toutes ces conneries, c'était pas hier après-midi, t'es sûr? Et pourtant, on a encore tellement d'histoires pas croyables à vivre, si tu savais. Mais je te le dis, des histoires que tu peux même pas imaginer, qui nous emporteront très loin, tellement haut, en mode fusée. Tu vois, moi aussi j'ai peur en permanence qu'on m'annonce une catastrophe ou qu'on m'appelle des urgences. Mais on a la chance d'être ensemble, tous les deux, de s'être trouvés, c'est déjà prodigieux. Alors, oh les cœurs, oh les cœurs. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. On peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Il faut se dire des belles choses qu'on gardera pour plus tard. Oh les cœurs, on peut encore se parler, se toucher, se voir. Oh les cœurs, oh les cœurs, oh les cœurs. Approche-toi de moi, serre-moi fort, plus près, encore, avant qu'on se sépare, avant qu'on se sépare. C'était Haut les cœurs de Fauve, donc vous êtes toujours dans Écologie sur Fadjet avec Mike et Anthony qui sont venus nous parler de monnaie locale. Donc, suite, je le rappelle, au forum ouvert qui a eu lieu le dimanche 17 janvier, la MJC Bourgard qui a réuni donc une soixantaine de citoyens qui sont une centaine pardon de citoyens qui se sont penchés, réfléchis, qui ont discuté ensemble à travers une trentaine d'ateliers dont, qui ont émergé de cette intelligence collective. On en était où ? On discutait, on avait des questions de Laura. C'était fini, Laura ? Tu avais d'autres questions soumettre ? C'est vrai qu'on parlait de la monnaie éventuellement numérique, mais qui demandait, enfin, qu'il y avait derrière certainement, ça entraînait peut-être des coûts ou une structure à mettre en place. Et une autre question émerge de ce fait. Est-ce que vous avez déjà une estimation à peu près peut-être du nombre de personnes qui devraient s'engager pour pouvoir le mettre en place ? Parce que certainement, il faut peut-être atteindre un certain plafond pour que ça se lance. Oui, c'est ça. Non, on n'a pas d'idée du nombre de personnes. Parce que, du tout. Pas d'estimation, en gros, si on en prend fait. L'exemple de Strasbourg, du STUC, ils ont mis 3 ans à sortir leur monnaie locale. On en est vraiment au tout début, donc là pour le coup, répondre à ces questions, c'est super compliqué. Oui, donc au fil du temps, il faudra vous on fixer. Pourra nous réinviter, puis on pourra répondre à plus de questions. Fixer un nombre minimum, on va dire, d'entreprises ou de commerçants qui participent, et un nombre minimum de personnes qui s'engagent à utiliser cette monnaie pour dire, tel jour, c'est lancé officiellement. C'est ça, en fait, ce qui est important, dans un premier temps, c'est vraiment les entrepreneurs qui sont prêts à jouer le jeu. Parce que sans entrepreneurs, il n'y a pas d'échange de monnaie locale. Mmh. Et les citoyens qui sont prêts à jouer le jeu aussi sont très importants. Pour donner un exemple, pour le lancement de la monnaie locale à Strasbourg, le STUC, qui a eu lieu en fin d'année dernière, dès la première journée, en fait, il y a eu 15 000 euros d'échangés en monnaie locale. Donc ils ont été un peu surpris, hein, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils avaient prévu de donner sur les 6 premiers mois. Et en fait, ils l'ont donné en une journée. Donc ça prouve que les gens sont intéressés par ça et que ça peut vraiment prendre, s'il y a beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'à Strasbourg, je crois qu'ils ont 200 ou 300 entreprises qui sont dans le projet, quoi. Enfin, c'est une grosse ville aussi, Strasbourg, après. Voilà. Oui, nous, si on n'en a que 50 déjà, ce sera plat. Oui, mais bien sûr. Et du coup, sur le territoire national, il y a combien d'endroits où des monnaies locales ont émergé ? Vous avez une... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a une trentaine en place. Une trentaine. Puis autant qui sont à notre niveau. Ah oui, donc c'est que ça commence à... Oui, une trentaine au global, en fait. Entre global, celles qui sont déjà en place et qui perdurent. Et celles qui sont en train de se lancer, en fait. D'accord. Voilà. Il y a plein d'exemples où ça marche très bien, où ça fait déjà un moment que ça marche. On a le SCO dans le Pays Basque, qui a presque une dizaine d'années, je crois. Il y a le Seul Euro, je crois, à Toulouse, qui est pareil. Ça doit faire 5-6 ans qu'ils sont lancés et ça marche très bien. Et ça permet réellement de relocaliser l'économie. Donc ça fait créer de l'emploi... Ça lance des idées d'entreprise, ça crée de nouveaux travails, quoi. C'est ça aussi le but d'une monnaie locale. Et on ne peut pas dire que c'est une mode, en fait, parce que les gens, quand ils s'engagent dans une monnaie locale, ils s'engagent pour de bon, quoi. C'est un engagement à long terme. Ce n'est pas juste parce que ça leur passe par la tête, c'est vraiment quelque chose qu'ils incarnent et qu'ils ont envie d'incarner. Oui. Sinon, je pense que ça ne durerait pas comme ça et il n'y aurait pas eu 15 000 euros à Strasbourg dès la première journée, quoi. Je pense on ne peut les pas gens... dire que c'est un phénomène de mode. Non, ce n'est pas un phénomène de mode, parce que dans le monde entier, il y a 5000 monnaies locales. Donc, c'est qu'il y a des gens partout dans le monde qui s'intéressent à leur localité. C'est important. C'est surtout, je pense, que les gens en ont marre de voir l'argent disparaître. On leur parle de crise, mais on se rend bien compte que ce n'est pas la crise pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Là, la semaine dernière, il y a eu une étude qui a été prouvée qui parle que c'est 62 personnes qui détiennent la moitié de la richesse mondiale. Voilà, je pense que tous les gens en ont marre de ça et ont envie de relocaliser et de se réapproprier leur économie et de pouvoir faire une économie plus responsable, plus solidaire et plus dans la coopération et non pas dans la richesse personnelle, quoi. Une réflexion que j'ai eue quand j'ai parlé de ce forum là de monnaie locale, il y a quelqu'un qui m'a dit oui mais On va rester replié sur nous, c'est une façon de un peu fermer les frontières, même au niveau local. Donc, ils voyaient ça comme Alors, la monnaie locale, c'est un des outils pour localiser l'économie. Ce n'est pas l'outil, le seul, pour localiser l'économie. Quoi. Aussi. Oui, et puis je veux dire, si on veut acheter du café, on ne pourra pas l'acheter localement, quoi, à moins qu'il y ait quelqu'un qui produise du café. Non, mais par exemple, on peut l'acheter à un petit artisan local qui torréfie lui-même, au lieu d'aller l'acheter... Oui, aussi. Chez des grands groupes, quoi. Oui, c'est pour dire que ce n'est pas enfermant, de toute c'est façon. Ce n'est pas enfermant, non. Ok. Du coup, une autre question avant de refaire une pause. Donc, on se rend compte que la monnaie locale, ça devient une réalité, puisque ça existe déjà en France. Ça doit certainement être un minimum encadré quand même par l'État. Je pense qu'il... Parce que, puisque ça existe, ils sont certainement un peu derrière. C'est pas fait totalement en dehors du cadre légal, du cadre de l'État. Non, parce que fiscalement, pour les commerçants qui acceptent la monnaie locale, il faut qu'il y ait une comptabilité sérieuse de fait. Donc il faut qu'il y ait un cadre derrière tout ça. Ouais. Que ce soit pour les commerçants ou pour ceux qui utilisent la monnaie. Ouais, il faut un système bancaire approprié. Ouais. Et donc justement, ça, il y aura certainement une commission qui sera en charge d'aider les entrepreneurs et commerçants à mettre tout en place pour que ce ne soit pas un frein pour eux de s'intégrer... au projet de la monnaie locale. Non, je ne pense pas que ça puisse être un frein. De toute façon, tout ce qui est en monnaie locale, en fait, ça a sa valeur en euros. Hein, et cette valeur en euros, par exemple, vous échangez un stuc, on va prendre l'exemple de Strasbourg, contre un euro. L'euro que vous avez donné, il est gardé sur un compte bancaire dans une banque, en fait, privée. Et en fait, on doit avoir autant de valeur de monnaie locale que de valeur euro pour que ça équilibre le marché, quoi. Voilà. C'est pas de l'argent fictif, en fait. Hein. Il y a la valeur en monnaie locale est équivalente en euros. Voilà. Après, on a le choix ou pas de le mettre dans une banque éthique, cet argent, comme la NEF, par exemple. Mm-hmm. Mais voilà, il y a toujours la valeur en euros de cette monnaie locale, qui est une monnaie locale complémentaire la plupart du temps. Et on précise bien sur le complémentaire, c'est ça le cadre juridique légal, c'est que c'est une monnaie complémentaire, ce n'est pas une monnaie... Ça répond à tout à l'heure ce que tu disais, on va s'enfermer, en fait, c'est une monnaie complémentaire, c'est pas une monnaie unique. Quoi. Donc, voilà, c'est ça. C'est ça le truc. Et comment on peut dire, une monnaie complémentaire et... j'ai pas le mot, je pourrais t'as pas le mot, et bah écoute, on va faire une petite pause et reviens pendant la pause. Tu nous le diras tout à l'heure. Solidaire, voilà. Ah, solidaire, c'est un beau mot. Et ben le titre suivant que vous avez choisi, c'est Les Riches de Raga Sonic, et vous êtes toujours dans Ecologigy sur Fadjet. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, la manne. Original, pour le garçon bien joué. Raga Sonic son M.E. Le Melas Ivy et Panda Mike M.C. Écoute! Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Écoutez! Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça! Le gouvernement ne fait rien pour ceux qui dorment dehors. L'été, il les laisse galérer, l'hiver, il ramasse les corps. Moi, ouais, j'ai mal à chaque fois quand je prends le métro. Je vois un clochard qui dort, je descends à Bastille. Je vois plein de chaclots qui disent c'est la CIA. J'espère qu'un jour tout cela va cesser. Mais look and tell them. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça. C'est la guerre dans la rue. Les gens se tuent à coups de couteau, à coups de queue. Quand c'est la guerre dans la rue, à cause du champ de seringue dans le caniveau, une arme au proton, c'est la guerre dans le pays. La ville sans le moisir, tu hantes la vie comme la mort. Le fait danser, c'est la guerre dans le pays. Faut se faire du souci, on crache dans les cornes, le bibertri. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Écoutez, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça, je descends à mes rétifries, je vois un clochard qui dort. Je descends à terre du riz, je vois deux clochards qui dorment. Je descends à Port d'Italie, je vois trois clochards qui dorment. Je descends à Place d'Italie, je vois cinq clochards qui dorment. Ouvre les yeux, moi, regarde devant toi, dis-moi si j'ai tort. Le gouvernement ne fait rien pour ceux qui dorment dehors. Yeah. Lève donc ton poing si avec tout t'es d'accord. L'été, il est l'escalaire et l'hiver, il ramasse les grands wachas. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça, laisse-moi t'expliquer en deux secondes ce qui me prend la tête. Les bouffons dans les beaux quartiers avec leur houppette. Leur pétasse à côté qui pour un rien se la fait. Elle va bouffer comme des porcs en en jetant par les fenêtres. Passer devant un mendiant sans donner une cigarette. Tout ça se lâchera d'un chauvin, c'est pas correct. Il faudra bien que tu payes, non mais sérieux sans tête. Mais ça fait une fois à poil, tu verras l'hiver, ça caille sec. Lève donc ton poing, c'est avec nous, t'es d'accord. L'été, il est l'escalaire et l'hiver, il ramasse les cours. Jour après jour, année après année, des morts encore. Encore des jeunes délaissés du sud qui perdent le nom. L'hiver, il fait froid, tu te croirais au pôle Nord. Pourtant, ça les dérange pas de voir les jeunes dormir dehors. Ragazon Exxon, pour tous les quartiers, frappe plus fort. Au service de la cité, Miguel et Marie montent le score. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Dégoûté, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien ne changera. Écoute ça, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Original, mauvais garçon, bien joué. Vous êtes toujours donc dans Ecologigi sur Fadjet et on vient d'écouter donc Les Riches de Raga Sonic, donc un des titres qui a été choisi par Mike et Anthony qui sont venus nous parler du forum ouvert qui a eu lieu le dimanche 17 janvier à la MJC Bourgard, donc au sujet de la monnaie locale, donc une centaine de citoyens qui se sont réunis pour participer à ce forum ouvert. Et donc l'aventure continue, donc, puisque à l'issue de ce forum, donc, il y a des sujets qui ont émergé comme prioritaires, hein, c'est ce qu'on évoquait. Donc là, il y a eu la charte, c'est ça ? La charte, c'est bien ça, ouais. Et puis ensuite, c'était l'organisation, en fait, quelle organisation, la structure que va prendre... qui va prendre en charge cette monnaie locale. Et le troisième point... Les partenaires. Les partenaires. Voilà. Et c'est vrai que ça fait du travail. Ça peut être des commerçants, des artisans. Même des artistes. Des artistes. On n'est pas obligé de penser que commerçants, en fait. Bah, bien sûr. Mm-hmm. C'est tout ce qui peut, même oui, des services ou d'aide à la personne. Enfin, voilà. En tout cas, c'est à discuter. Et dans les partenaires, on entend aussi les collectivités, les associations. Voilà, tout ce qui pourrait être partenaire. Que ce soit de manière pécuniaire ou autre. Mmh. Ok, donc vous continuez à vous réunir une fois par mois, je crois, hein, c'est ça. La dernière réunion, c'était mercredi. C'est ça. Mmh. Et puis, j'invite tous les gens à se rendre sur la page Facebook, en fait, la monnaie locale, Nancy. Et là, toutes les dates de réunion sont affichées. On peut prendre en cours de route le travail qui a déjà été effectué, c'est pas un problème. Plus il y a de citoyens qui viendront aider à la création de cette monnaie, mieux ça sera. Mieux ça sera. Même ça peut être si on a des questions à se poser, même si on est sceptique, justement, ça si peut être l'occasion de rencontrer. Si on est sceptique, parce que c'est pas évident de répondre à toutes les questions comme ça. Oui, et puis après, bon, on répond aux questions, mais on n'a pas le retour non plus. Enfin, voilà, quoi. Il y a des gens qui se posent des questions, et même quand ils ont une réponse, ils ont encore, ça pousse plus loin leur questionnement. Ouais. Bah oui. Et donc, les formats des réunions, c'est sur une journée comme le forum ouvert ou c'est un peu plus court ? Non, c'est des réunions du soir, on va dire, 20h-22h. 20h-22h. Ok. Et donc, vous avez un lieu qui est... Souvent en MJC. En MJC, plutôt. Mais ça peut changer de lieu, c'est pour ça qu'il faut vraiment se rendre sur la page pour voir. Pour voir, parce que là, le forum ouvert, c'était à la MJC Bourgard, mercredi. La réunion après le forum, c'était Trois Maisons, la prochaine, MJC. On le saura plus tard. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'au cours de la dernière réunion, il y a des groupes de travail qui ont été formés, donc des groupes de travail qui ont leur propre vie. Hein, et qui vont faire leur propre réunion dans les lieux, on ne sait pas encore, mais tout ça va être affiché sur Facebook et sur le site internet quand il sera finalisé. Voilà, ah oui, parce que là, parce il est en cours de création encore. Eh oui, donc si vous avez envie d'aider à finaliser le site, vous serez les bienvenus aussi. Eh bien, vous pouvez inclure le groupe COM qui s'occupera de ça. Et si vous avez des talents dans la création de sites internet, vous êtes la bienvenue. Oui, donc ça, c'est vraiment... C'est très participatif. Enfin, c'est que participatif, d'ailleurs, en fait. On peut rien faire si personne ne fait rien, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, toi, tu vas faire ceci, toi, tu vas faire cela. Et ça, c'est peut-être ça aussi qui est changeant et qui est un petit peu déroutant parfois pour les personnes. Oui, c'est qu'on est sur un système de gouvernance participative où il n'y a pas de hiérarchie, où chacun est responsable au même type que l'autre, quoi. Une voix égale une voix. Donc, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps à mettre en place, mais ça permet d'avoir une intelligence collective qui est vraiment... à l'écoute de chacun, ce qui fait qu'on arrive à sortir des sujets intéressants et qui permettent d'être à l'écoute de tout le monde. Oui, donc, ouais, ce que j'aurais envie de dire, moi, c'est qu'il faut retrouver son cœur d'enfant. Justement, les enfants, ils hiérarchisent rien. Il n'y a rien qui est plus important qu'une autre chose. Pour un enfant, ils n'ont pas de hiérarchie et ils ont cet enthousiasme-là. Et c'est peut-être aussi ça qu'on est invité à faire quand on participe à des travaux participatifs comme ça, collectifs. Collectif. Où on est là parce qu'on est qui on est et tout le monde a le droit d'être là, tout le monde a le droit de donner son avis, tout le monde a le droit de faire des propositions, tout le monde a le droit d'être accepté comme il est et de s'accepter aussi lui-même comme il est. C'est vraiment quelque chose qui est en marge de plus, même plus profond que juste créer une monnaie locale, parce finalement. Parce qu'en plus de cette monnaie, c'est des belles journées, c'est des rencontres, sympa. Humainement, c'est très sympa. Oui, parce que ce qu'on en disait au début d'émission, de ce que témoignait Anthony, ça rend joyeux. Oui, voilà, c'est ça. On est content d'y avoir participé, on est content d'y aller, puis après, on est content de se retrouver, j'imagine. Laura, tu voulais dire quelque chose par rapport à tout ça ? Ou pas ? Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Finaliser, on va dire, cette émission. Donc, au final, pour les personnes qui s'engagent, elles en bénéficient par rapport au fait qu'elles se soient engagées. C'est vrai que on ressent quand même un sentiment de, comment dire, peut-être pas de fierté, mais ça apporte, comme vous disiez, un peu de la joie, du bonheur, de se dire qu'on fait quelque chose. Et dans le quotidien, je pense que ça leur apporte aussi quelque chose, et pas uniquement un point de vue sentimental, on va dire. Ça peut être aussi dans leur manière de faire les achats, ça peut peut-être les faciliter, avoir accès à des choses qu'on n'achetait plus forcément. Je pense que ça peut développer... Ouais, les gens, après, l'idée, c'est de s'impliquer plus dans l'économie locale, en fait. Les citoyens s'impliquent dans leur localité. S'impliquent, ouais. S'investissent. S'investissent, moi j'aime pas ce mot, mais... c'est le mot qui fâche. S'impliquer, se pose comme partie prenante, font vivre tout simplement l'économie locale. Ouais. Ok, bon, bien merci à vous deux de votre participation. Donc toutes les dates, en attendant, c'est encore Facebook. Si vous n'aimez pas Facebook, vous trouvez quelqu'un qui y aime et qui a la possibilité d'y accéder. Vous lui posez la question pour avoir les dates et puis aussi pour avoir un retour sur le forum, parce que je crois qu'il y a une vidéo, n'est-ce pas ? Ouais, si les gens qui peuvent aller sur Facebook, il y a une petite vidéo, la vidéo qui est passée sur France 3 au Régional, qui réexplique comment s'est passé le forum. Donc c'est intéressant de la revoir. Ça fait une belle explication. Il y a une autre vidéo qui a été faite par un indépendant, vidéaste, qui fait partie des petits débrouillards en test. Ouais, aussi, ouais. Elle est aussi sur le... Ouais. Elle est aussi sur Facebook. Okay. Bon, et qui sera cool. Sur le site une fois que le site sera en ligne. Voilà, quand tout le monde se sera rué pour participer à la création du site. Bon, eh bien, on va réécouter un dernier choix musical. Et là, on va partir avec Zaz et son titre « Je veux ». Merci Laura. Merci Gigi, merci les garçons. Bonne fin de journée à tous. Merci à vous les filles. Et à tout bientôt dans Ecologigi sur Fadjet. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés.